Dieu Tout-Puissant, que ta volonté soit faite. Simba Bissoba na jeune premier. Le mensonge fleurit, mais il ne donne pas de fruits. Que la vérité triomphe. Mama, allô Bettina. Le jeune premier y est bana barié. Le jeune premier. A musique na biso e yende kosukisa. Allô Bettina. Aya ya musique na biso e yende kosamusa. Allô Bettina. Allô Bettina mwana mama e. Allô Bettina. Claudicia. Arriba ya ye. Abeni bango. Kimuna mes. Tita Samba Soleil. Loko ya moto ekoma kote kisa Alu Bettina Tangangu mwami ekoma kote kama Alu Bettina Alu Bettina mwana mama Alu Bettina Benson Jakite Folie Diran CRTV Jacques Blaise Bier Marcel Apema. Aya ya mwana ndumba datu kiri moja moja pata mwana kebam Amwana nge, amwana kebam, amwana nge, amwana kebam, amwana nge Aleme vege Calix de Martin Bigede Richard Soudana, l'homme des zéniths Saint-Pierre. Andoti, andoti, andoti, andoti, mama, andoti, andoti, ama, andoti, andoti, mama. Yves Zongo Junior, Ahmed Bakayoko, Baba Koulibaly. Noël, fidèle kakani Oya kintane ya munwe Oya kintane ya munuma Gunga ike mama Erika katuke Nyata maleme mama Desika tureka Nyata maleme mama Nyelete mwana Nyata maleme mama Sansa Bébé à ma chute en avion. Maman Jiden Loco, association de vie. Oyoka jeune premier. Yaya Moucha. Massimo. Saba dona ngenge mubita ta utembo kusila baba mubita ta utembo kusila baba tate mubiko toto yomitima nyasakana mubiko siye kamista mutu kusila tati ye mama les asana abandi nzambilo fula Tonton Manda, le vieux Silou, le vieux Mandjos, Savanana, la donne. Jean-Marco Normil, Fabrice Penouat, le grand breton. Aquí estos mucho. Jeune premier, le tenant du titre, Guy Santé. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la MGTX Production. Le club d'Ego, Africa number one. Château d'eau, Simon Guilla. Maxime Miguel à Lyon. Na bayinga oyo, bami fiti eh, bako suka, Bako Souka, Pietro Lorentini. Stanislas Congo Bako. Rosela Kanga na yelo kola bana pasana boleke. Basala kako bena biso, bana shako. Feresala ya balingo sokia tiki na mama na kosuka wapie. Ah, Tonya Bisaya, où est le grand appui à l'heure? Casimir le leader. Marco la dame de fer. Sans qui balingue ça toujours la motema, pour le vaki nangaï, toko balana miso yanganga zambe, le loyokei, natika lise kore la mama. JMMJ c'est le Paris. Yebi sangaï, sans qui balingue ça toujours la motema, pour le vaki nangaï, toko balana miso yanganga zambe, le loyokei, natika lise kore la mama. Banasta bakoma kotunanga meso kyo kenda wapi ye Guruchi Eko salanga pasi mwena zongi sezalite Emedo antonu kalibero Nabolingo tanga masusu Mabanya kazala kana pesanya presence Eko salanga pasi na komine Dernier langage d'exploitation informatique Java Pécho Chaleur de Paris Hawaii Tikingaï Nakomi Lokola Moto Mitya Singa Nakingo Abandonné Lelo Yobo Inga Yobo Sanifa Meswa Yesu Aline de Sina, Aline Abdallah Mwana Mayotte. Armel Agouan Souzongo Béatrice, Oyoka des jeunes premiers. Mama, Yaka Potoloba, ce qui est impossible, ta personne a au revoir. Souvenir à Malamou. Sassel, la voisine mangue. Conda, conda, yemba bofungo la matoyi Rokina Freta Mouti Matali Papa Oemba Yakouman Yoka Menope Oyo La légende premier Avenir de Paris Ma petite Nayo Nga wana mama milolo Ana Na bota mana famille di moke Na koma na poto na dengue batu Bafanza kate Restaurant fait des palmes, Michael Chanot. Na mwana mama milolo, na na bota mana famille di moke, na kuma na poto na ndenge batu bavanza kate. Nyoso na mokano ya nzambe. Manda chebwa chamala. Zakali Baba Bashu Alo baluka ungozua Senga bako pesa yo Beta bako fungwele yo Mokilili kelema Lelo yo lobi yaka Itanga ma sebongo Sebongo, sebongo Sebongo Ogi lolonga apay jotore la bangora de Monaco London Alo baluka ungozua Senga bako pesa yo Beta bako fungwele yo Lelo ya yo lo bianga Itanga ma sebongo Sebongo, sebongo, sebongo Président Patrick Obange Les métropolis sept soleils solaires Yeah, yeah, yeah.

Mezzo, yeah, Willy Brodo, Oyo Balobi is not Kwanga. Hey, Nikambo libo mamo kili Oyo Din, Tanga Kumbwame, Tanga Kumbwame. Sakina motema na yo yalo lendo ti kaka praya samu sakanga boye monimara Jean Kabuna papa na noemi o sakani sakani nanga mbo linyaka oye batengenge na tikala yo pesakina motema na yo yalo lendo ti kaka praya samu sakanga boye bobo bokolo Bokole, Bokole, London. Nakana Londres, yo salita. Nakana Bruxelles, yo salita. Oh, Willy Nana Javisima, Kutakia la Reba. Mutima nanga na lupa yo yo yo.

Bibiche Kalambay, famille Kalambay. Les jeunes communes n'arrivent pas toujours à comprendre ce qui s'était passé. Nos cœurs sont toujours en larmes. On n'arrive pas à oublier notre frère parti. Que son âme repose en paix. Yeah. Man. Kikote bolingo na mwanzele wana kasi mwanzunzu ezala kikozanga zanganga wana le na ye mama kambo na poma kina botema makolo moko to kute ni na ye na kata metro atalinga na miso na ye ye na lingaka mara moko na zipo sa ya kole bala ye makabo ta bala bani kole bala ye makabo sa ni kota langate ta kamina gardi non dele akitinde na metro ta kamina gardi non dele akitinde na metro sa me di au revoir ni me di à la prochaine sa me di au revoir ni me di à la prochaine promini bala ba kote yo pasa la kande boye promini bala ba kote yo pasa la kande boye loba loba loba et ça la rien loba loba loba et ça la rien. Papi, t'as dit là-haut.